Isanganiro. Chers auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de ce dimanche 15 janvier 2023. Voici d'abord les titres. Le parti Sahwanya Frodebu demande à la Banque de la République du Burundi de revoir la mesure récemment prise d'interdire à toute personne le retrait d'un montant inférieur ou égal à 15 millions de francs burundais par jour ou inversement de plus de 20 millions par jour. Le porte-parole du parti de ce parti trouve que cette mesure va plutôt favoriser le banditisme dans les ménages. Dans la rubrique éducation, le ministre de l'Éducation nationale menace certains directeurs des écoles post-fondamentales de la province Bubanza qui seront démis de leurs fonctions s'ils ne délivrent pas les diplômes de l'année scolaire passée dans 3 semaines. Les indemnités pour les parcelles occupées par le camp militaire de Lukinga dans la ville de Lumonge réclamées dans plus d'une quarantaine d'années seront bientôt débloquées. Les détails, c'est dans quelques semaines. Les détails, plutôt, c'est dans quelques secondes. À la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page économie, la mesure prise par la BRB interdisant toute personne à retirer un montant inférieur ou égal à 15 millions de francs burundais ou verser un montant inférieur ou égal à 20 millions par jour est une mesure qui risque de causer des problèmes au niveau économique. Selon Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sahwanya Frodebu, la mesure va développer le banditisme dans les ménages car ces personnes ne vont plus conserver l'argent dans les banques. Le parti Sahwanya Frodebu demande à la BRB de revoir cette mesure et mener plutôt des sensibilisations à l'endroit des citoyens sur l'éducation financière. C'est une décision qui risque de provoquer des problèmes au niveau économique. Nous voyons que si on limite le retrait à 15 millions, alors que nous voyons que les personnes commencent à faire circuler la monnaie, à voir comment vivre avec peu de moyens qu'ils ont, c'est vraiment un handicap. Limiter un retrait à 15 millions par jour, c'est limiter les gens à se développer parce qu'ils peuvent avoir besoin d'un montant de plus de 15 millions et qu'ils pourront faire un gain. Et cela pourrait faire circuler la monnaie. Il n'aura pas le droit d'aller retirer cet argent alors que son argent était sécurisé dans la banque et il voulait l'utiliser comme il le veut. En plus, ici au Burundi, nous avons peu de salariés, si nous regardons très bien. Alors tout cela, si cette mesure reste, les personnes ne vont plus amener leur argent dans les banques, dans les systèmes de microfinance, ils vont conserver l'argent à la maison, ils vont faire la thésaurisation avec ses conséquences. Alors, le banditisme va se développer et ça va causer de l'insécurité auprès de la population. Même les banques n'auront pas l'argent puisque l'argent sera conservé à la maison. Donc tout cela va diminuer la production. L'économie aura de problèmes. C'est pour cela que nous demandons à ce que d'abord il y ait une sensibilisation sur l'éducation financière. Comme ça, si les gens sont bien sensibilisés, on va prendre des mesures consensuelles. Nous profitons maintenant de cette occasion pour demander à la BRB de s'asseoir. Si c'est des décisions, le Frodebu demande à ce que la BRB revoie cette mesure pour l'intérêt de la population. Les 3 personnes habitant la colline Magara 2 de la commune Bugarama en province Lumonge sont mortes foudroyées ce samedi. Les informations obtenues auprès de l'administration zonale de Magara indiquent que les 3 personnes, à savoir une femme, son fils et une jeune fille élevée dans cette famille, sont mortes foudroyées lors des travaux champêtres sur la colline Boulangwa, voisine. Lors d'une pluie orageuse quand elle s'abritait sous un palmier. Les corps des victimes ont été conduits à la morgue de l'hôpital public de Lumonge le soir de ce samedi même en attendant leur enterrement selon les mêmes sources sur la colline Lutumo voisine de Magala 2. Une vieille femme a été blessée suite à la démolition de sa maison d'habitation et 4 maisons d'habitation ont été détruites et plusieurs hectares de champs de culture endommagés par la grêle dans les mêmes circonstances. Restons dans cette même province. Les indemnités pour les parcelles occupées par le camp militaire d'Urkinga dans la ville d'Ulmung, réclamées depuis plus d'une quarantaine d'années, seront bientôt débloquées. Cette assurance est d'Alain Tribert Mutabazi, ministre burundais de la Défense et des anciens combattants, lors de la descente à Ulmung ce vendredi. Certains parmi les bénéficiaires de ces indemnités contactées voudraient que la parole soit traduite en acte. Jean-Pierre Misago. Cette question des indemnités réclamées par 128 ménages qui se réclament propriétaires du domaine où est érigé le camp militaire d'Orukinga dans les années 1979 a été évoquée dès les premières minutes par Léonard Niyonsaba, gouverneur d'Ulmung. S'adressant au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants en visite à Ulmung ce vendredi, le gouverneur de Ulmung lui demande de s'investir afin que ce problème qui n'a fait qu'être duré soit définitivement vidé quand le dossier complet et relatif lui parviendra. S'exprimant à propos, Alain Tribert Mutabazi, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, rassure les concernés que cette question sera bientôt vidée et demande à l'administration locale de vérifier si ceux qui recevront ces indemnités le moment venu seront les vrais bénéficiaires. Selon certains de ces bénéficiaires contactés, il serait mieux que les paroles se traduisent en actes pour enfin être indemnisés sur ce terrain d'environ 25 hectares cédé pour la construction de ce camp militaire il y a plus de 40 ans. Jean-Pierre Misago de Ulmung, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h03, poursuivons par la page éducation de cette édition. Certains directeurs des écoles post-fondamentales de la province Bubanza n'ont pas encore délivré les diplômes de l'année scolaire passée. Le ministre de l'Éducation nationale menace ces derniers qui seront démis de leurs fonctions dans 3 semaines s'ils n'accomplissent pas ce travail. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique l'a dit ce vendredi à Bubanza, c'était lors d'une réunion avec tous les intervenants dans son domaine. Spescaitas Kabanyana. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique met en garde les directeurs des écoles et postes fondamentales qui n'ont pas encore délivré les diplômes mais pour l'année scolaire passée 2021-2022. François Habyarimana a précisé ce vendredi à Bubanza lors d'une réunion avec tous les intervenants dans le domaine de l'éducation que ces directeurs seront démis de leurs fonctions s'ils ne donnent pas ces diplômes dans 3 semaines. Il a également recommandé aux directeurs des écoles fondamentales de bien traiter les dossiers des élèves et délivrer des certificats à temps, ce qui permettrait de réduire les obstacles pour donner les diplômes dans les écoles post-fondamentales. François Habyarimana a demandé aussi à tous les directeurs de traiter de façon technique les dossiers de leur personnel, comme le prévoit la loi. Spécialitas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci Kabanyana. Rendons-nous à présent à Karoussi. Les nids de poules qui s'observent actuellement dans la route nationale numéro 12 reliant les provinces de Gitega, Karoussi et Muyinga préoccupent les usagers. Le président de la République du Burundi a demandé aux administrateurs des communes où passe cette route de bétonner ces nids de poules et éviter toute destruction lente de cette infrastructure publique. Il a dit lors des cérémonies de présentation à la population de Karoussi du nouveau gouverneur de la province Karoussi vers la fin de cette semaine. Le président a précisé que les moyens nécessaires sont à la portée des moyens de ces communes, signalant qu'ils ne devraient pas attendre l'intervention de l'ARB chargée de la construction et réhabilitation des routes dans le pays. Le point avec Blaise Pascal Kalalumie. Depuis la capitale politique à Gitega et précisément à Masanganzira, se trouve la première dodane. Il s'observe des nids de poules qui deviennent de plus en plus de grands trous près des dodanes et virages de la route nationale numéro 12. Toulouse, reliant les provinces de Gitega, Karusi et Muyinga. Les usagers de cette route et les habitants sur place informent que ce sont de petits trous qui se créent et s'élargissant au fur et à mesure que le temps avance sans réparation. Ils indiquent qu'actuellement, les véhicules doivent même s'arrêter à certains niveaux pour traverser ces nids de poules, ce qui déconforte les usagers et passagers, comme l'explique la population, et cette dernière demande la réparation. À l'occasion de la présentation à la population de Karusi du nouveau gouverneur de la province Karusi vers la fin de cette semaine, le président de la République a demandé aux administrateurs des communes où passe cette route nationale numéro 12 de bétonner ces nids de poules sans attendre que c'est l'agence routière burundaise ARB qui viendrait les réparer. Les interpellant de bien entretenir cette route chèrement acquise pour la population de Karusi en particulier, le président Evariste Ndayishimiye a expliqué que les moyens nécessaires pour cette réparation sont moins importants et sont à la portée des moyens de ces communes. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Actualité internationale. Actualité internationale. Avant de mettre fin à cette édition, au Cameroun, les élections sénatoriales auront lieu le 12 mars 2023. Les précédentes se sont déroulées en 2013 et en 2018. Dernier scrutin à l'issue duquel le parti au pouvoir du Cameroun avait remporté 63 sièges et le principal parti de l'opposition, SDF, seulement 7, soit deux fois moins que lors de la première législature. Un avion avec 72 personnes à bord s'est écrasé au centre du Népal ce dimanche, ont déclaré un responsable local, un porte-parole de la compagnie aérienne Yeti Airlines, qui a précisé ignorer s'il y avait des survivants. Ce dernier informe qu'il y avait 68 passagers à bord et 4 membres d'équipage qui ne savent pas actuellement s'il y a des survivants. Cet avion en provenance de la capitale népalaise s'est écrasé près de l'ancien aéroport de Pokhara au centre du Népal où il devait atterrir. Selon le site internet de TV5 Monde, l'Union européenne a interdit à tous les transporteurs népalais d'accéder à son espace aérien pour des raisons de sécurité. Selon toujours ce site, ce pays possède également certaines des pistes les plus isolées et les plus délicates du monde, flanquées de plus de pics enneigés dont l'approche constitue un défi pour les pilotes chevronnés. Les exploitants d'avions affirment que le Népal ne dispose pas d'infrastructures permettant d'établir des prévisions météorologiques précises, en particulier dans les régions reculées au relief montagneux accidenté où des accidents mortels ont eu par le passé. Mais également, la météo change également rapidement dans les montagnes, créant des conditions de vol encore plus ardues. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Ornella Moucho.